Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. D'où proviennent nos représentations mentales du passé? Toutes ces images qui surgissent dans notre cerveau quand sont évoquées l'Antiquité, le Grand Siècle, la Seconde Guerre mondiale. Et oui, quand nous nous imaginons le Moyen-Âge, comment se construisent un château fort, une rue à colombages, le terrain d'un tournoi. Il y a nos lectures sans doute, nos visites dans les monuments et toutes les images que nous avons croisées depuis les manuels scolaires jusqu'aux dossiers iconographiques des ouvrages scientifiques. Mais il y a aussi le cinéma. Tous ces films historiques que nous avons vus, des films d'époque, des films en costume, des péplums, les films de Sacha Guitry, si Paris nous était compté, remontons les Champs-Élysées. C'est un va-et-vient passionnant où le cinéma cherche à évoquer l'ambiance du passé, mais qui, dans le même temps, construit notre imaginaire. Car le décor au cinéma n'est pas qu'une toile de fond pour un spectacle, il façonne nos représentations historiques. Le cours de l'histoire sur France Culture est cinéphile. Nous nous intéressons au cinéma comme objet historique et comme vecteur d'histoire et de mémoire. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, nous plantons le décor. Le décor, ah oui, souvent relégué comme une toile de fond, le décor qui est là, mais qui est essentiel pour l'intérêt du film, essentiel également pour la construction de nos représentations mentales. Et pour nous en parler aujourd'hui, Nicolas Blaillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en études cinématographiques, professeur agrégé d'espagnol à l'Université de Lorraine et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui va paraître dans quelques jours, La fictionnalisation de l'histoire par la direction artistique dans le cinéma espagnol. Nicolas Blaillot, la fictionnalisation, qu'est-ce que cette chose? Alors, la fictionnalisation, c'est un concept que j'emprunte à Paul Ricoeur, qui articule la fictionnalisation de l'histoire avec l'historicisation de la fiction dans son ouvrage « Temps et récits », dans la troisième partie, dans un chapitre qui est l'aboutissement de sa réflexion, qu'il intitule « L'entrecroisement de l'histoire et de la fiction ». Donc cette réflexion de Paul Ricoeur sur la mise en récit de l'histoire m'a semblé intéressante à transposer pour parler du cinéma et en du cinéma historique et en particulier pour ce qui concerne les décors, puisque les décors sont un élément qui participe de la fictionnalisation de l'histoire. Et avec nous pour nous parler du décor aujourd'hui, Gwenaël Rau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, et vous êtes l'auteur de Planter le décor, une sociologie des tournages. Alors, sociologie des tournages, quel est votre univers, quel est l'univers que vous explorez avec ces tournages? J'explore l'univers du travail cinématographique, c'est-à-dire la manière dont les équipes techniques dédiées à la fabrique des décors, mais aussi à la recherche des lieux de tournage, vont transformer les territoires pour en faire un décor de cinéma. Et nous allons donc explorer l'ensemble de ces décors aujourd'hui dans le cours de l'histoire. En fin d'émission, Anaïs Quien nous rejoindra. Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons retrouver l'admirable Jean Cocteau. Et oui, Jean Cocteau dans les actualités françaises en 1953. Alors Cocteau a réalisé 3 ans plus tôt son film Orphée, donc en 1950. Et il nous parle des coulisses d'un tournage cinématographique. Peut-être ne faudrait-il pas trop montrer nos coulisses. Cette famille d'acteurs, d'électriciens, de machinistes qui encombre un plateau et dont on n'imagine plus la présence dès que l'intrigue s'isole dans son cadre de lune. Mais d'autre part, cette famille est si étroitement mêlée à notre entreprise qu'il est bon de le faire comprendre au public. Sa tendance étant de croire qu'on tourne un film comme on se promène, et sans le moindre effort. Jean Cocteau, en 1953, qui explique que le public pense que l'on tourne un film sans aucun problème, sans le moindre effort, alors que non, il y a une armée de travailleurs pour construire un film. Et pour évoquer le décor au cinéma, il est sans doute nécessaire de replacer un peu l'histoire de ce décor au cinéma, parce que le décor au cinéma existe seulement à partir du moment où il y a le cinéma, donc à la fin du 19e siècle. Mais auparavant, il y avait des décors, c'était les décors de théâtre dans les premiers temps du cinéma. C'est à peu près ce même type de décor que l'on retrouve filmé, Nicolas Blaillot. Alors le décor dans les premiers temps du cinéma, effectivement, se limite à des toiles de fond, des toiles peintes, comme on en voit au théâtre. Mais assez vite, on va évoluer vers la construction de décors. Et donc les décorateurs, au départ, se divisent en deux grandes branches. On a les décorateurs qui sont formés comme peintres et d'autres décorateurs qui sont formés comme architectes. Et ces deux spécialités vont finalement se rejoindre à partir des années 30, quand on va commencer, je parle surtout de l'Espagne que je connais mieux, quand on va commencer à construire des studios. Et là, effectivement, il va falloir construire des décors et les réaliser. Mais pour, j'ai beaucoup aimé l'archive que vous venez de passer de Jean Cocteau, parce que Jean Cocteau pointe immédiatement le fait, il met l'accent sur l'intérêt et l'importance du décor comme invisible. Un bon décor est un décor invisible. Il est fait pour ne pas être vu, et s'il est remarqué, eh bien c'est un décor qui est raté d'une certaine manière. Avec cette importance de tous les acteurs de la construction du décor évoqué par Jean Cocteau, Gwenaël Rowe, vous avez étudié la sociologie des tournages, donc tout ce personnel. C'est vrai que nous entendons que dans le décor, il y a tout de suite, on pense au décorateur, qui est un mot générique, c'est plus complexe. Il y a d'autres acteurs autour de la construction d'un décor. Oui, tout à fait. Alors, on pourrait même remonter un peu en amont la chaîne de production, puisque effectivement, Cocteau dit que on pense qu'on tourne un film comme on se promène. Non, le film est un chantier. Mais un chantier, c'est sur un lieu. Et ce lieu, il faut le trouver. Et pour le trouver, eh bien, aujourd'hui, on a des spécialistes qui sont les repéreurs de cinéma, qui dialoguent justement avec les cinéastes et les chefs décorateurs pour essayer de trouver des lieux qui ensuite vont être retravaillés encore par d'autres professionnels, dont les chefs décorateurs avec leur équipe. Et puis, si on évoque d'autres spécialistes du décor, il ne faut pas non plus oublier les ensembliers, c'est-à-dire ceux qui vont chercher des meubles et qui vont participer par le meublage, finalement, à la décoration, au style du film. Et on pourrait nommer d'autres intervenants, mais ceux-là sont extrêmement importants. On pourrait aussi citer, vous avez fait une émission hier sur le film de Polanski, tout ce qui relève de l'accessibilité, les accessoiristes de plateau qui aussi contribuent, apportent leur touche, la touche finale, je dirais, pour finalement dessiner un décor. Vous évoquez Gwenaël Rowe, le film J'accuse de Roman Polanski, et effectivement, c'est un film sur l'affaire Dreyfus. Il y a par exemple énormément de clés, donc il faut des serruriers dans le film J'accuse. Tout est fait de coffres-forts et de portes qui se ferment. Le serrurier est un personnage essentiel sur un tournage. On l'oublie, mais il est là. Tout à fait, il y a des constructeurs, il y a des charpentiers, il y a des plâtriers, il y a des spécialistes du tissu. Et puis on pourrait aussi prolonger en disant que finalement le décor se fabrique aussi à travers les figurants et donc à travers les costumes. Donc on pourrait rattacher à cette chaîne de fabrication tout ce pan des professions du cinéma qui, en intervenant, font un ensemble qui doit être cohérent, qui doit avoir une certaine vraisemblance. Une certaine vraisemblance, mais vous l'avez dit Nicolas Blaillot, qui doit rester un visible. Alors ça, c'est impressionnant de se dire que le décor doit être invisible, mais il reste malgré tout essentiel. Comment vous vous saisissez du décor comme objet historique? Il a longtemps été écarté, le décor, il n'était pas étudié comme tel. Les historiens du cinéma étudiaient plutôt l'image, le scénario, et pas tellement le décor. Oui, en effet. Alors, je pense pas que c'était une démarche volontaire d'écarter l'étude du décor. C'était simplement parce qu'on considérait que ça n'avait pas beaucoup d'importance et donc ça a été assez peu étudié. Donc en France, on a Robert Mallet-Stevens qui a fait quelques premières études assez tôt. Puis Léon Barsac, lui-même décorateur, a écrit un livre important en 1970 sur le décor de film. L'universitaire Jean-Pierre Berthomier a aussi fait un livre là-dessus, mais on n'a pas grand-chose de plus. Et donc c'est quelque chose qui a toujours semblait accessoire, sans faire de jeu de mots. Et Gwenaël Rowe a raison de dire que dans la direction artistique au sens large, on a un nombre de métiers qui est très important, plusieurs dizaines. Ça va jusqu'au jardinier, puisque ça incombe au directeur artistique. Eh ben justement, nous allons écouter un son assez ancien parce que nous sommes en 1945. 1945, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, sur le tournage du film Jéricho, un film d'Henri Khalef, donc qui est sorti l'année suivante, qui raconte l'opération Jéricho. En fait, c'est la Royal Air Force qui bombarde la prison d'Amiens, qui a bombardé en réel la prison d'Amiens pour aider les prisonniers à s'évader. Et nous allons écouter ce reportage sur le tournage du film Jéricho et nous allons croiser le décorateur du film, Paul Bertrand. Un studio de cinéma présente toujours certains à côté ahurissants. Mais sur le terrain d'Épinay semblent s'accumuler aujourd'hui les contrastes et les paradoxes. Les officiers anglais coudoient les prisonniers allemands qui figurent dans le film. Les habilleuses, craignant les éclats, se sont coiffées de casques militaires, tandis que les photographes cernent l'immense décor d'une batterie d'appareils. Car la prison d'Amiens est là, reconstituée devant nous à sa véritable échelle, au milieu d'un terrain nu. Ben, nous avons réalisé ce décor un peu comme si nous nous trouvions au Moyen-Âge. Nous ne disposions d'aucun ou presque moyen de transport, de locomotion. Et ma foi, tous les matériaux lourds tels que les pavés, les moellons, le plâtre qu'on a dû amener ont été amenés par des machinistes de studio sur des charrettes à bras ou même à bras d'homme. Ce qui a singulièrement compliqué, évidemment, la tâche de tous les ouvriers qui ont construit ce décor. Vous avez mis combien de temps à le construire ? Nous avons mis 2 mois à le construire. Un son issu de la radiodiffusion française en 1945 sur le tournage du film Jéricho avec cette évocation, mais vous en avez fait déjà un clin d'œil, Gwenaël Roux, d'un chantier. C'est énorme, c'est un chantier, mais c'est quelque chose ça qui vous a marqué en travaillant sur la sociologie des tournages, planter le décor. Oui, c'est complètement ça. C'est un chantier. C'est déjà une organisation temporaire qui doit aller sur un lieu qui, a priori, n'est pas préparé à ça ou pas toujours préparé à ça dès lors qu'on ne tourne pas en studio, sachant que le tournage en décor naturel est ce qu'il y a de plus fréquent, finalement, en tout cas en France. Et ce chantier est traversé par de nombreux événements. C'est du sur-mesure, finalement. Et il faut faire aussi avec les aléas du chantier, c'est-à-dire le mauvais temps, le lieu qui peut être difficile d'accès et se coordonner dans un temps raisonnable pour éviter de trop dérives de coûts trop importantes. Oui, les coûts, c'est essentiel, c'est vrai. Hein. C'est du cinéma, c'est donc une forme de business, de commerce. Le coût est essentiel et il faut s'adapter au scénario. C'est notamment le cas dans ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture, le cinéma qui parle du passé. Ce qui arrive bien souvent, passé lointain ou passé plus proche, et qui nécessite déjà une définition. Qu'est-ce qu'un film historique, Nicolas Blaillot ? Vous, dans votre étude, c'est votre sujet. Alors vous travaillez sur l'Espagne, particulièrement le cinéma espagnol au XXe siècle, donc enfin le cinéma surtout de la dictature jusqu'à la fin de la dictature, ces transformations majeures. Avec cette question, c'est quoi un film historique ? Alors, la question est en débat. c'est une expression donc commode et courante, mais effectivement, on a un certain flou. Certains auteurs utilisent l'expression avec des guillemets. Alors, un film historique, pour aller vite, c'est un film avec un degré d'historicité assez élevé, c'est-à-dire un film dont l'année diégétique se sera connue, qui fera référence à des événements importants de l'histoire, et on a coutume de l'opposer, ou de le mettre en parallèle avec le film d'époque, qui lui sera un film, comme le disent les anglo-saxons, un film situé dans le passé, où là, simplement, on aura une période vague, on parle de period film aussi en anglais. Donc c'est quelque chose qui, là, n'aura pas forcément un haut degré d'historicité. Mais donc le film historique peut englober en réalité les films d'époque aussi dans l'expression courante. Donc le terme film historique est le terme englobant pour qualifier l'ensemble des films qui se passent dans le passé, avec toujours cette différence entre un film dans le passé qui est une fiction et un film dans le passé qui reconstitue des événements qui ont eu lieu. Est-ce que dans ces deux démarches, il y a un changement dans l'aspect l'aspect du décor. Est-ce que le décor peut être appréhendé d'une manière différente selon les différentes approches que l'on veut donner du passé? Alors oui, on peut voir différentes approches, mais dans le cinéma historique, on remarque une visée réaliste, c'est-à-dire que les décorateurs tendent à faire des décors qui veulent répondre à l'horizon d'attente des spectateurs, un horizon d'attente qui est construit à partir d'images déjà vues auparavant, donc du cinéma, de photographies, de documentaires, éventuellement de souvenirs. Et donc c'est tout un univers mental, toute une projection optique qui va se renvoyer. Et le décorateur de film historique, qu'il ait une vision, lui, orientée ou non, aura tendance, enfin, aura toujours le but de faire un décor réaliste. Mais c'est une gageure, évidemment, puisque le réel n'existe plus, n'est plus là, et donc ce qu'on fait est d'une certaine manière relativement factice. Avec un jeu perpétuel où pour s'inspirer, pour construire un décor, les décorateurs regardent les autres films et il y a sans cesse comme ça l'alimentation, on alimente une image, une représentation qui existe déjà et il est difficile de s'en départir parce qu'il faut répondre aussi à une attente du public. Oui, et pourtant on note des évolutions, c'est-à-dire que nous avons dans les premiers films historiques une représentation qui trouve son origine dans la peinture du réalisme historique du 19e siècle. On a tendance à reproduire en quelque sorte des tableaux en faisant dans certaines scènes des tableaux vivants. Et au fur et à mesure de l'évolution, on va tendre vers un réalisme qui sera alimenté par d'autres genres du cinéma qui n'est plus le cinéma réaliste. Par exemple, le néo-réalisme va apporter une esthétique qui va se réinvestir dans le cinéma historique plus tard. Et puis, on a également, à la fin du XXe siècle, à partir des années 80, ce qu'on appelle les heritage films, qui sont des films, alors qu'on pourrait dire des films patrimoniaux, qui sont des films qui vont esthétiser le décor, nous présenter l'histoire comme quelque chose, l'histoire à l'écran, comme quelque chose de beau, d'admirable. Et on a dans ces films une tendance à la nostalgie très marquée. Par exemple, vous avez des exemples de films, de ces films héritage? Alors, dans le cinéma espagnol, les films de José Luis García sont des films qui sont importants dans ce sens. Donc, les reconstitutions de certains villages espagnols, voire dans son film Sangre de Mayo, qui évoque la guerre d'indépendance au début du 19e siècle, guerre napoléonienne pour les Français, ce sont des représentations qui vont esthétiser le décor et le rendre admirable. Et donc, il y aura une tendance à la contemplation du décor et qui, là, pour le coup, se voit et est montré pour être vu. Qu'on disait juste avant que le décor doit être invisible parce que si le spectateur le remarque, eh bien, c'est qu'il y a un défaut dans le décor. Voilà, le décor doit toujours être invisible. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le décor, nous regardons ce qui est invisible. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Et justement, Nicolas Blaiot, dans cette recherche du décor, vous vous êtes intéressé particulièrement au cinéma espagnol. Nous allons entendre un extrait d'un film de Victor Erice, c'est ça, 1973. Erice, oui. Erice, c'est l'esprit de la ruche, el espíritu de la colmena. C'est bien? C'est bien ça. Ok, merci beaucoup. Donc c'est un film qui se passe dans les années 1940. Nous sommes sur le plateau castillan. Et ce film-là nécessite, nous sommes en 1973, donc sous la dictature, une relecture d'un village de Castille pendant la guerre civile. Aunque ya nada pueda hacer volver las horas felices que pasamos juntos. Pido a Dios que me conceda la alegría de volver a encontrarte. Même si nous ne revivrons plus ces instants de bonheur, je prie Dieu d'avoir la joie de te revoir un jour. Je le lui demande sans cesse depuis que la guerre nous a séparés. C'est encore ma prière, ici, en ce lieu reculé où Fernando, les filles et moi essayons de survivre. Il ne reste plus que les murs de la maison que tu as connue. A menudo me pregunto a dónde habrá ido a parar todo lo que en ella guardábamos. No lo digo por nostalgia. Resulta difícil volver a tener. Je me demande souvent ce que sont devenues nos affaires. Ce n'est pas de la nostalgie. Il est difficile d'être nostalgique après tout ce que nous avons vécu ces dernières années. Mais parfois, quand je regarde autour de moi et que je vois tout ce vide, toutes ces choses détruites et toute cette tristesse, je me dis que notre capacité à vivre pleinement notre vie a disparu avec tous ces événements. Je ne sais pas si tu recevras cette lettre. Les nouvelles de l'extérieur sont rares et confuses. Je t'en prie, réponds vite, que je sache que tu es vivant. Je t'embrasse tendrement, Teresa. Recibe todo el cariño de Teresa. Un extrait du film L'Esprit de la Ruche en 1973 qui traite des années 1940. Nicolas Blaiot, alors le décorateur de ce film, c'est Adolfo Cofigno. Il y a des personnages intéressants dans le monde du décor cinématographique parce que ce sont des gens qui travaillent, donc des travailleurs qui traversent les décennies. On pourrait penser qu'ils n'ont aucun lien avec la politique en soi, parce qu'ils font leur métier de décorateur. Mais dans le cas de ce film, et ça vaut pour l'ensemble des films que vous avez étudiés, il y a une nécessité de contextualisation, de lecture du décor. Comment vous lisez un décor de film, en l'occurrence L'Esprit de la Ruche en 1973? Oui, alors c'est un des plus beaux films de toute la cinématographie espagnole, dont vous venez de passer un extrait. L'Esprit de la Ruche nous montre à la toute fin du franquisme, l'année 1940, c'est-à-dire le tout début du franquisme. Et donc, on est là dans une période de répression. On pourchasse les combattants républicains qui sont échappés, n'ont pas encore été faits prisonniers. Et donc là, nous nous trouvons dans un village isolé du plateau castillan. Et une femme écrit à un interlocuteur, un destinataire inconnu, qu'on peut identifier avec justement un de ces combattants républicains qui est fugitif, qui se cache. Et donc l'importance du décor ici va être de créer cette atmosphère, cette charge mentale qui est portée par les personnages, par le scénario évidemment, mais le fait de créer une atmosphère particulière dans le décor va beaucoup participer de cette création de l'atmosphère. Et donc ça, c'est quelque chose que Victor Erice a compris au début des années 70, après une période où toute la décennie 60, où les décorateurs avaient un peu déserté les studios espagnols, alors que dans les années 40-50, là, les studios avaient une très grande importance. Et Erice est très en avance en réalité sur une nouvelle relecture par la direction artistique de l'histoire, quelque chose qui va réapparaître vers la fin des années 2000, début des années 2010. Il est très en avance parce qu'il montre par son décor tout le poids, en fait, c'est l'étouffement de la société qui a commencé à s'abattre sur l'Espagne à partir de 1940. Et ça, il le fait en 1973, au moment où le régime est encore en place pour 2 ans. Oui, le décor comme signe manifeste d'une volonté de dire quelque chose. Nicolas Blaiot, nous comprenons bien qu'il y a une évolution dans la manière de faire des décors. Vous l'avez dit, dans les années 40-50, les films se tournent dans un studio avec des reconstitutions, des constructions de décors en studio. Et ensuite, la caméra sort. La raison de cette sortie, déjà, il y a sans doute quelque chose de financier. C'est moins cher de pas, construire. Effectivement, les grands studios espagnols, les plus grands, la maison Cifesa a fait faillite en 1954, après une série de films historiques très importants et très coûteux, tournés entre 1947 et 1954. Donc on a, et là, les comment les producteurs ont été condamnés 10 ans plus tard suite à des malversations pour essayer de se refaire. Bon, il y a aussi des raisons d'influence, de style, d'influence esthétique. L'évolution du cinéma européen a influé sur le cinéma espagnol. Mais les studios n'ont pas disparu pour autant de façon complète en Espagne, puisque l'Américain Samuel Bronston est arrivé en Espagne et il a tourné, justement parce qu'il savait qu'en Espagne, il y avait une très haute qualité des métiers de la direction artistique, et il est allé tourner là ces grandes fresques historiques qui, là encore, l'ont ruiné. Alors, ce cinéma est essentiel, nous comprenons bien, le décor est essentiel, il est essentiel pour le spectateur parce qu'il construit une image, il est essentiel également parce qu'il veut dire, par la volonté de donner un signe. Vous, Gwenaëlle Roux, dans Planter le décor, une sociologie des tournages, donc c'est les presses de Sciences Po, quand vous regardez l'histoire récente de cette deuxième moitié du XXe siècle de la réalisation de films, vous voyez aussi ce changement entre la place des studios. Nous avons en tête les studios italiens, la Cinecittà, les studios hollywoodiens, bien sûr, les studios français, Saint-Maurice, Épinay, il y en a plein d'autres, à une volonté de sortir du studio. Oui, alors il y a plusieurs, enfin c'est un peu un mouvement comparable, puisqu'il y a effectivement des cinéastes qui souhaitent tourner autrement avec des moyens plus modestes, mais il faut pas, on a beaucoup parlé de la nouvelle vague, mais je pense qu'il faut toujours adosser ça aux évolutions économiques, à savoir le poids de la rente foncière, c'est-à-dire que les terrains disponibles pour faire des studios, eh bien, sont aussi réappropriés par des spéculateurs immobiliers. Et donc ça joue énormément. Il est resté des studios, il y a toujours eu des studios. Il est possible qu'aujourd'hui, les studios connaissent une nouvelle jeunesse en raison du développement des séries télévisuelles qui suppose justement un temps long, donc de sortir du modèle de chantier qui s'incruste quelque part. Mais les dimensions économiques. Un studio, c'est un espace qui prend finalement beaucoup de terrain et il y a des contraintes de ce point de vue-là. C'est ça qui est important, c'est de dire que le décor doit rester invisible et le cinéma doit rester magique, alors que malgré tout, c'est une économie. Mais nous aimons beaucoup la magie du cinématographe quand elle nous est chantée par M, qui fait un clin d'œil à Boris Vian. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Y'avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Cher, on en avait pour ses 3 francs. Belle, belle, belle, belle, belle comme l'amour. Blonde, blonde, blonde, blonde, blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle, obscurément, les mains se cherchent, les mains se trouvent. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. Ah, mercredi prochain. M qui chante le cinématographe dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Aujourd'hui, nous nous intéressons au décor au cinéma, parce que le décor construit nos représentations mentales du passé. Ce décor est essentiel parce qu'il est porté par des hommes et par des femmes qui fabriquent ces décors. Nous allons en entendre une illustration tout de suite. C'est Félix Murcia. Félix Murcia qui est directeur artistique et qui est nous élu aujourd'hui par Olivier Martineau. J'ai une sorte de devise. C'est qu'il faut savoir tout ce qui est connu pour pouvoir inventer ce qui est inconnu. Nous pouvons ainsi tromper notre monde beaucoup plus facilement, et personne ne pourra venir chicaner. Habituellement, je me documente à fond. Je suppose que tous les directeurs artistiques travaillent comme cela. Et à partir de là, j'invente ce que je veux comme décor, parce que je sais que personne ne pourra me coincer, parce qu'on n'en saura pas davantage. Bien sûr, c'est une façon de tricher. Mais, d'un autre côté, nous savons que l'histoire est le reflet d'une réalité qui est si lointaine qu'elle nous semble toujours incomplète. En somme, quand on connaît tous les rouages du métier, il est plus facile de faire un film historique. Cela donne plus de satisfaction et moins de travail qu'un film situé aujourd'hui, où l'on dirait que le décorateur n'a rien fait et qu'il n'a aucun mérite. Alors que dans un film historique, les gens accordent plus de valeur à la reconstruction du passé et trouvent que le décorateur est plus savant, plus érudit, plus intelligent, plus audacieux. Témoignage d'un directeur artistique, Félix Murcia, dans un ouvrage intitulé « La Arquitectura de los Sueños » qui nous est lu ce matin par Olivier Martineau, Nicolas Blaillot. Félix Murcia, donc, c'est un directeur artistique, juste décorateur, directeur artistique. Comment on se situe dans cet univers des métiers ? Oui, alors le directeur artistique, comme on le disait en début d'émission, c'est la personne qui a la responsabilité de tout l'aspect visuel du film. Donc il est effectivement celui qui, alors qu'on appelle couramment en France chef décorateur, mais il est le responsable de tout l'aspect visuel, donc il va avoir la responsabilité de ce que trouvent les accessoiristes, de ce que confectionnent les costumiers. Il a sous sa charge également l'ensemblier, enfin, tous les métiers, donc y compris les jardiniers, comme on disait. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle très important. Aux États-Unis, on a inventé un rôle qui est encore au-dessus, qui est le production designer. Alors en espagnol, c'est el director de producción. En Mexique, on l'appelle le diseñador de producción. Donc c'est producteur de diseño, pardon. C'est quelqu'un qui va aussi avoir la responsabilité de la lumière, puisqu'un décor n'existe pas sans la lumière. Et là, on entre dans l'éternel débat et l'éternelle rivalité qui existe entre les directeurs artistiques et les directeurs de la photographie, comme on les appelle en Espagne, ou les chefs opérateurs, et qui, eux, peuvent modifier un décor selon certains éclairages. Et donc ça, c'est quelque chose. Donc si l'entente est bonne, le film va être réussi. S'il y a une mésentente, une difficulté à dialoguer, le film peut abîmer le décor à cause d'une lumière mal calculée. Alors ce que dit Murcia, c'est qui répond à l'architecte Jorge Gorostiza, qui a été le pionnier des études sur la direction artistique en Espagne. Et Félix Murcia a lui-même écrit un ouvrage important, la scénographie du cinéma, l'art de l'apparence, si on traduit son titre. Et donc Murcia a beaucoup réfléchi sur effectivement son métier et sur les limites. Et c'est très important, c'est ce qu'il dit, puisqu'on parle de films historiques, il est vraiment intéressant de voir que pour la plupart, il y a une petite minorité qui ont une opinion différente, mais pour la majorité des directeurs artistiques, faire un film historique est plus facile, plus gratifiant, et donc finalement, ils sont très contents d'en faire. Et il dit même qu'il est un peu un tricheur. Alors c'est intéressant, cette notion de tricher, parce que en même temps, c'est admettre une réalité. On ne reconstitue pas à l'identique le passé. Bien entendu. Là, Félix Murcia est très honnête avec son travail, c'est-à-dire qu'il sait très bien que quand il reconstruit, qu'il refigure l'histoire, il sait très bien que c'est un décor factice, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, mais il est au plus près de nos connaissances visuelles. Gwenaël Roux. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un art de la recomposition relève du travail des chefs décorateurs. On pourrait citer par exemple un tournage comme celui de Vatel qui était censé se dérouler à Chantilly, dans le château de Chantilly. Et pour recomposer le Chantilly de l'époque, je dirais, le chef décorateur Jean Rabas, avec ses repéreurs, ses assistants, a mobilisé une dizaine de châteaux, voire même une galerie de la Banque de France pour refaire un tout cohérent. Donc il y a une sorte de puzzle qui se reconstitue et qui contribue à la métamorphose des lieux. Alors par rapport à ce qui était dit sur la division du travail, en France, on est moins dans cette logique d'intégration. Je dirais, il y a plutôt le chef décorateur, le chef opérateur et le créateur de costumes ou la créatrice de costumes. Et c'est, je dirais, aux cinéastes et puis à leur bonne volonté d'essayer de justement fonctionner ensemble pour éviter que le travail de l'un remette en cause le travail de l'autre. Parce que l'enjeu, il est bien là, effectivement. Quand on lit votre ouvrage, Gwenaëlle Rau, Planter le décor, on sent bien que tout est fait d'ajustements et qu'il faut faire au mieux selon les budgets dont on dispose, les équipes dont on dispose, et puis les autorisations aussi. Vous avez cité Chantilly, on pourrait parler du château de Versailles, qui est un véritable plaisir pour les uns quand ils ont l'autorisation et un casse-tête pour les autres parce qu'il faut trouver quelque chose de similaire. Tout à fait. Alors, les autorisations sont une clé d'entrée pour accéder à des décors. Ce qu'il faut noter néanmoins, c'est que il y a une politique d'ouverture des établissements publics pour encourager aujourd'hui le développement des tournages. Donc, on peut dire que c'est peut-être plus facile aujourd'hui de tourner à Versailles qu'il y a une vingtaine d'années. Mais l'autorisation ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir avoir les moyens de s'offrir une journée de décoration à Versailles qui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc, tout ne peut pas être tourné à Versailles en fonction de son bon vouloir. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est très juste. On demande et on obtient parfois non des autorisations de tourner dans des lieux comme des châteaux. Et donc, il est intéressant de noter que quand on refuse, les décorateurs doivent tout reconstruire. Et une anecdote racontée par un décorateur important de la cinématographie espagnole, Enrique Alarcón, raconte qu'il a dû reconstruire une salle du Palais Royal de Madrid et que les critiques ont dit « tu t'es pas beaucoup foulé pour faire le décor, tu es allé tourner dans le palais ». Alors qu'il avait dû tout reconstruire et que ça avait été un travail considérable. Toujours dans cette quête des réalités, en fait, retrouver le décor, c'est une quête des réalités, une quête vaine parce que la réalité ne peut pas être reproduite. Écoutons le témoignage de Jacques Demy. Jacques Demy qui parle en mai 1969 dans l'émission Chronique Cinéma de l'ORTF. C'est à Los Angeles, dont il est tombé amoureux fou, que Jacques Demy a situé l'action de son nouveau film. Je voulais tourner très très très vite, faire un film très simple, très évident, et j'avais été loin dans une certaine direction avec les films que j'avais fait en France, comme ça, et je voulais retrouver des réalités. Alors j'ai abandonné les peintures, le côté esthétique, comme ça j'ai dit, j'en ai marre, je veux filmer, il va à cette maison, je prends, monsieur, madame, vous êtes d'accord, faut que je tourne chez vous, voulez-vous habiter à l'hôtel pendant 8 jours, je vais tourner chez vous. Et ça s'est passé comme ça, j'ai gardé le cendrier, la pièce de monnaie, les choses, et j'ai tourné. Jacques Demy qui expliquait en 1969 qu'il veut retrouver des réalités. Ces réalités-là sont impossibles. Gwenaëlle Rau, vous étudiez plein de tournages dans votre ouvrage « Planter le décor » et vous racontez des anecdotes. Il y en a une d'ailleurs qui est savoureuse. C'est quand Jean-Pierre Melville a voulu tourner « Le silence de la mer ». Donc on est en 1947 et il parle de Vercors. Il a voulu tourner dans la maison de Vercors et vous expliquez que la femme de Vercors n'était pas du tout contente parce que le tournage a mis le bazar en disant « Monsieur, cette maison a connu l'Allemand, mais l'Allemand, lui, l'avait respecté ». Et Melville a répondu « Mais madame, l'Allemand ne faisait pas du cinéma, quand même ». Cette volonté de tourner sur les lieux mêmes où ont eu lieu les événements est quelque chose, j'imagine, de constant dans les tournages, ou par facilité, parfois, on se dit « ça coûtera moins cher, le lieu est là, il n'y a pas de décor à construire ». Mais les lieux sont exigus. Comment ça se échafauder. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il faut relativiser. Je pense que ça va dépendre des styles des cinéastes, des projets cinématographiques. On ne cherche pas forcément le vrai lieu. Ça peut être une obsession pour certains cinéastes. Pour d'autres voudront prendre leur liberté par rapport à l'emprise du lieu pour justement développer leur propre imaginaire. On peut citer par exemple le film La Reine Margot de Patrice Chéreau, où Chéreau, lui, pour retrouver le Louvre, a été en Italie. N'a pas forcément non plus cherché à respecter totalement les chronologies pour en faire son univers propre. Et le film a un style assez majestueux. Donc je pense que là, il faut vraiment, chaque film est un produit unique, il y a un projet singulier et on prend aussi ses distances par rapport à une réalité qui peut être parfois figeante d'une certaine manière et qu'il faut de toute manière aussi reconstruire, réimaginer pour faire rêver le spectateur pour ces films d'époque ou films historiques. Et cette réalité, parfois, est la réalité du contexte politique. Nicolas Blaillot, vous avez étudié le cinéma espagnol avec, sur le temps long, un épisode de dictature qui contrôle ce cinéma. Est-ce que vous voyez une évolution ? Donc, en Espagne, la dictature s'impose à la fin des années 1930, donc en 1939 avec Franco. Elle se termine en 1975 à la mort de Franco. Est-ce que vous voyez des épisodes où l'on peut lire le décor de cinéma de manière différente selon une volonté du pouvoir de contrôler le film et une liberté qui exploserait après la mort de Franco ? Oui, en effet, le pouvoir, à l'imitation des régimes fascistes italiens et nazis allemands, a voulu créer une cinématographie pour orienter idéologiquement la population. Mais ça a été un échec en Espagne. Alors il y a eu effectivement des films d'exaltation militaire, des films qui relisaient l'histoire glorieuse de l'Espagne, surtout du siècle d'or. Mais c'est quelque chose qui a été très très vite abandonné pour des raisons financières, on l'a dit, mais également pour des raisons de désaffection du public qui, après une certaine adhésion, parce que certains films étaient bons, comme Poignard et Trahison, par exemple, qui avait un jeu d'actrice extraordinaire. Mais ces films ont été supplantés, en réalité, par le cinéma étranger, hollywoodien essentiellement, qui pénétrait en Espagne. Donc le cinéma historique, idéologiquement orienté par le régime, quelque chose qui n'a pas duré très très longtemps. Et ensuite, le cinéma historique c'est un peu éteint dans la décennie 60. On n'a plus beaucoup de films historiques, à l'exception des productions Bronston, mais ça concernait pas tellement l'Espagne, par le Cid. Et c'est seulement avec des gens comme Erice qu'on va avoir des retours sur l'histoire, mais là, d'une façon allégorique ou métaphorique, avec Carlos Saura, la cousine Angélique. Et c'est seulement donc à partir de 76 que là, le cinéma historique, eh bien, récupère une mémoire empêchée, comme dit Ricoeur. Et donc, on va enfin prendre la parole pour ceux qui ne l'avaient pas. Et donc là, des décorateurs qui travaillaient déjà à l'époque du franquisme, eh bien, mettent leur art au service de nouveaux projets. Donc Gil Parrondo, par exemple, un décorateur très important qui a commencé sa carrière en 1939 et qui a travaillé jusqu'à sa mort à 95 ans en 2016. Donc il était en plein projet. Donc Gil Parrondo est quelqu'un qui a su s'adapter aux desiderata des metteurs en scène, puisque ce sont eux qui demandent, qui définissent ce qu'ils veulent. Et le chef décorateur, le directeur artistique, est quelqu'un qui est souple et se plie aux desiderata des metteurs en scène. Donc Parrondo est quelqu'un qui va nous faire, avec Les bicyclettes sont pour l'été en 1984 de Jaime Chavarri, d'après une pièce de Fernán Gómez, il va faire un film qui est plutôt un film réaliste. Et dans les années 2000, avec José Luis García, il va faire des films esthétisants qui sont très beaux, mais on est très loin, on est dans la nostalgie, on n'est plus du tout dans un réalisme des années 80. Le décor parle de ce que nous sommes au moment où le film est tourné. Il faut dire un mot, Nicolas Blaillot, de La Movida, quand la démocratie dans les années 1980 s'implante et qu'elle explose en Espagne. Oui, alors La Movida, c'est quelque chose qui est très éloigné du cinéma historique, puisque comment Pedro Almodovar, qui est quand même celui qui va incarner la movida au cinéma avec d'autres, mais est quelqu'un qui dit moi je ne suis ni franquiste ni anti-franquiste, je suis afranquiste. Il n'en parle pas. Et c'est seulement en 2004 avec son film La mala éducation, la mauvaise éducation, qu'il va évoquer le franquisme dans les collèges, donc autoritaires. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu traiter. Et la Movida veut absolument parler d'autre chose. On est là dans un renouvellement culturel total. Et donc, comment faire des films historiques n'est pas du tout dans la perspective de la Movida. Non. Alors, qu'est-ce qu'il reste du décor des films historiques? Gwenaël Rowe, vous avez étudié comment un tournage s'empare d'un espace. Une fois que le film est terminé, l'espace est transformé? Alors, en principe, une équipe de film doit faire le nettoyage, entre guillemets, quand le film est tourné. Il se peut qu'il y ait des débris qui soient laissés. Il y a d'ailleurs un collègue archéologue qui a travaillé sur Podane et il a montré à quel point il restait des traces des tournages. Un cake d'amour. Voilà, exactement. Il peut y avoir aussi des villes qui souhaitent garder un souvenir. Hein. À Lyon-Saussonnier, il y a la fontaine d'un film de Chabrol, Madame Bovary, qui est restée. Donc, il reste des traces, mais en principe, le territoire, le lieu, doit retrouver sa forme initiale. Mais Pagnol a aussi laissé des traces par ses films. Tout à fait, avec le fameux village du film qu'il avait fait d'après le film de Giono. Et il y a ces traces, Regain. Et puis, on a aussi des traces, on pense à celle des Amants du Pont-Neuf, de Léos Carax, où là, alors je pense qu'aujourd'hui ce serait plus difficile, il n'y a eu pas forcément de tact écologique puisqu'on a brûlé les décors et il est resté des traces de ce film, donc il y a encore le territoire qui a gardé la marque de ce tournage un peu particulier. L'acteur principal qui nous intéressait aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture était donc le décor. Merci beaucoup Gwenaël Rowe, Planter le décor, une sociologie des tournages, c'est aux presses de Sciences Po. Merci Nicolas Blaillot. La fictionnalisation de l'histoire par la direction artistique dans le cinéma espagnol, c'est à paraître aux éditions universitaires de Dijon. Et maintenant, le décor se plante dans le cours de l'histoire pour accueillir Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour, bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, le souvenir des camps d'internement de Japonais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des hauteurs d'Honolulu, le spectacle est incompréhensible. Pearl Harbor est attaqué, ceci n'est pas un exercice, répète affolé le speaker de Radio Hawaï. Une heure après l'attaque, les diplomates japonais arrivent au département d'État, à Washington, pour y apporter la déclaration de guerre. Le 8 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre contre le Japon, allié de l'Allemagne nazie, après de longues tergiversations. C'est l'attaque de la base américaine de Pearl Harbor qui précipite cette décision attendue depuis très longtemps. Il n'en faut pas davantage pour rallumer les feux de l'hostilité déclarée aux Asiatiques. Le fantasme du péril jaune avait déjà connu de beaux jours à la fin du 19e siècle, frappant d'abord les Chinois, victimes d'émeutes raciales, accompagnés de quotas d'immigration très stricts à l'encontre de tous les Asiatiques, instaurés en 1924. Le FBI arrête plus de 1300 personnes en quelques jours, ajouté à la paranoïa d'une nation en état de guerre, le climat politique et social américain plonge dans les affres d'une suspicion de chaque instant. Un cocktail détonnant dont vont pâtir tous ceux qui s'apparentent au pays désormais ennemi. Près de 110 000 personnes, japonais ou américains d'ascendance japonaise, sont déplacées dans des camps dits de réinstallation. Des familles entières sont regroupées derrière des fils barbelés sur le sol américain pour la première fois et pour une durée de 1 à 3 ans sous les insultes racistes. C'est samedi et je prends le bus pour aller au centre-ville. En passant devant la place, en face de l'hôtel de ville, je vois une file de gens attendant patiemment à un arrêt de bus. En approchant, je vois qu'ils sont tous japonais et qu'ils embarquent dans les bus. Et je comprends que ce sont les citoyens américains d'origine japonaise, de Seattle et des environs, qu'on envoie dans ce qui s'avérera être un camp de concentration. Longtemps réputée cachée ou oubliée, l'histoire des camps d'internement de Japonais aux États-Unis fait l'objet de demandes de réparation dans les années 70 et entre dans les prescriptions scolaires à la fin des années 80 comme une mesure raciste, hystérique et regrettable. La Seconde Guerre mondiale, c'est un moment paradoxal dans l'histoire des Japonais américains, à la fois glorieux et humiliant, marqué par l'expérience de cette détention, mais aussi par la gloire des 33 000 Nisei, les deuxièmes générations, qui ont pris part au combat sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire des camps de Japonais aux États-Unis connaît un intérêt sans précédent dans les médias en ce moment, ravivé par les camps installés à la frontière mexicaine par l'administration Trump. Le dernier best-seller du très célèbre James Ellroy, La tempête qui vient, parmi d'autres romans, une série documentaire diffusée sur Arte, l'exposition des photographies de Dorothea Lange et la deuxième saison de la série The Terror Infamy, où le trauma de l'internement arbitraire est redoublé par les fantômes du déracinement originel. There's something evil. I can feel it. We come all the way over the ocean, but we are not safe. You believe in Bakemono? Shape-shifting spirits. Les enfants de ces familles spoliées, qui ont souvent repris avec difficulté leur vie après leur libération, ont raconté cet internement, à commencer par Mine Okubo. Jeune étudiante en art, elle est internée avec ses parents dans le camp Topaz. Désœuvrée, elle tient un journal dessiné de son expérience, qui sera publié dès 1949. Elle y fait le récit de ses mois hébétés, arrachés au réel, et des stratégies des internés pour montrer leur loyauté à leur pays d'accueil. De nombreux hommes se portent volontaires pour servir dans l'armée, ou pour pallier l'insuffisance de main-d'œuvre dans l'agriculture et l'industrie. Mais pour tous, la sortie du camp sera difficile. Mine Okubo décrit avec humour et mélancolie le labyrinthe administratif infligé à ceux qui se pensaient pleinement américains avant la guerre et les conférences qu'on leur propose à la sortie. Comment se faire des amis ou comment se comporter dans le monde extérieur pour favoriser leur réinsertion. Des conférences, Mine Okubo en fera énormément par la suite pour raconter l'expérience des ambivalences d'une société américaine qui porte pourtant fièrement l'étendard de son multiculturalisme. Merci beaucoup Anaïs. Vous pouvez retrouver le journal de l'histoire et les liens qui permettront d'assouvir votre curiosité. Tout cela sur le site internet franceculture.fr. Merci Anaïs. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire.